Je doute que science-fiction soit le meilleur terme possible, mais c'est celui dont nous disposons. Pour ma part, je peux devenir susceptible et agressive si l'on me qualifie uniquement d'auteur de SF, chose que je ne suis pas, je suis romancière et poétesse. Ne me mettez pas dans une fichue case où je ne rentrerai pas d'ailleurs, car j'en déborde. Tels sont les mots d'Ursula Le Guin à propos de son œuvre, une œuvre riche de plus de 20 romans, 150 nouvelles, 4 volumes d'essais et 6 recueils de poèmes. Elle se sera éteinte à 88 ans sans recevoir de son vivant le prix Nobel pour lequel elle était pressentie depuis plusieurs années, ce qui aurait créé un précédent pour les littératures de l'imaginaire. Ursula Le Guin sera le centre de toutes nos attentions au cours de l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'œuvre et la carrière foisonnante de cette écrivaine inclassable à mi-chemin entre la science-fiction et la fantasy, le roman et la poésie, la littérature engagée, féministe, sociologique, anarchiste, bref, l'œuvre foisonnante donc hein, de cette femme monde, nous avons réuni la crème de la crème des littératures de l'imaginaire en France. Jeannette Batz, bonjour. Bonjour. Auteur, dernière publication humaine, trop humaine, alors c'est en écriture inclusive, mais c'est comme Ursula Le Guin, Ursula Le Guin, on va se demander comment on le prononce, c'est chez ActuSF. C'est humaine trop humaine. Humaine trop humaine, alors. De toute façon, il s'agit de femmes dans cette histoire, donc c'était un peu triché. Vous êtes également directrice artistique du festival Les Utopiales. Bonjour Jérôme Vincent. Bonjour. Vous êtes éditeur, directeur des éditions ActuSF. Vous copubliez dans la collection Helios, Ursula Le Guin, l'effet Schurten, dont on parlera, hein, qui fait partie du cycle de l'écumène. On y reviendra tout à l'heure. Et bonjour David Meulemans. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur des éditions Les Forges de Vulcain. Vous avez, entre autres, publié Le langage de la nuit, hein, qui est le premier recueil d'essais d'Ursula Le Guin. Alors, on va trancher tout de suite cette question sensible. Ursula Le Guin, Ursula Le Guin, Ursula Le Guin. Elle disait, aux USA, nous disons Le Guin. En France, nous disons Le Guin, comme le vin ou le gain. Et en Bretagne, puisque c'est un nom breton, je crois que c'est encore Le Guin, comme Guin en gallois. Je pense que c'est le même mot. Tout ça est en tout cas la faute de mon mari, quoi qu'il arrive. Voilà ce qu'elle déclarait. Comment vous prononcez-vous, Jérôme Vincent ? Alors, normalement, elle préférait Le Guin, si j'ai bien tout compris, à la française, parce qu'elle a rencontré son mari à Paris. Moi, je préfère avoir le snobisme de l'anglicisme à deux balles, avec l'accent pour dire Le Guin. Voilà. Jeanne Adeva ? Lorsque j'ai lu Le Guin la première fois, j'étais très loin d'imaginer qu'il y avait un monde de la science-fiction. Et certains mots, je ne faisais que les lire, comme archaïsme, chaos ou Le Guin. Et donc, je lisais ce que je voyais. Moi, c'était Le Guin, c'est resté Le Guin. Je n'arrive pas au sommet de Géraud. David Meulemans, ça va être à vous de trancher dans ce débat vif. Eh ben, on peut dire Le Guin, puisqu'elle voulait qu'on dise Le Guin. Eh bien, donc, à deux voix contre une. Jérôme, je suis désolé, ce sera Ursula Le Guin. Ce captivant débat enfin tranché, nous allons pouvoir reprendre un peu de sérieux en la personne autoritaire et intransigeante qu'est Zoé Sfez, parce que l'actualité des sciences, ça ne plaisante pas, c'est le journal des sciences avec Zoé Sfez. Bonjour Zoé. Le journal des sciences. Bonjour Nicolas, et l'on consacre le premier dossier de ce journal à l'Institut Gyptis qui devait devenir le plus grand centre européen dédié à la recherche sur les maladies génétiques rares et à l'accueil des malades, qui devait voir le jour en 2020 sur le campus de la Timone à Marseille, construit peu ou prou sur les modèles de l'Institut Gustave Roussy pour le cancer ou sur l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, c'est-à-dire un modèle public-privé. Ce projet était censé permettre de concentrer les forces vives de la recherche et de l'industrie pharmaceutique pour avancer sur ces maladies génétiques rares, soutenu par des dizaines d'institutions, financé à hauteur de 73 millions d'euros, le projet Gyptis pourrait être menacé. Il devait s'installer en effet sur le campus de l'hôpital de la Timone à Marseille, mais l'APHM, c'est-à-dire les hôpitaux de Marseille, dans un revirement étonnant, est revenu sur l'accord fondateur passé avec l'Institut, comme l'explique Nicolas Lévy qui est à la tête du projet. Très clairement, on a parlé d'un projet menacé parce que l'assistance publique, après plus de deux ans ou quasiment deux ans de travail avec un projet qui est bouclé aujourd'hui sur le plan économique, sur le plan architectural, sur le plan fonctionnel, sur le plan organisationnel, etc., et sur le plan scientifique, l'assistance publique, à un moment donné, est revenue effectivement sur un engagement, l'engagement d'octroi d'une parcelle. Alors, cet engagement, il était ferme, il était définitif, c'est ce qui a été la base de la construction de Gyptis. On a fait travailler des architectes, des cabinets de maîtrise d'œuvre, cabinet de Deloitte en particulier, qui intervenus pour construire avec nous le modèle économique. Puis nous sommes dans un calendrier, effectivement, qui est relativement contraint, calendrier qui nous est imposé, malgré tout, par un certain nombre de financeurs, dont la Banque européenne d'investissement, qui doit nous permettre d'obtenir une somme d'argent substantielle, mais à condition de commencer à instruire le projet aux alentours du mois de mars ou du mois d'avril au plus tard. Donc on ne peut pas aujourd'hui envisager de changement de parcelle sans perdre à la fois tout le travail qui a été réalisé et sans perdre évidemment une somme d'argent là aussi substantielle. Et je dois quand même à l'honnêteté de dire que depuis quelques jours, les choses se remettent plutôt en positif, ou en tout cas, le dialogue s'est réouvert. On envisage toutes les possibilités dans un calendrier commun pour libérer cette parcelle le plus rapidement possible. Le professeur Nicolas Lévy, généticien donc à la tête de Gyptis, qui on l'a entendu, se dit optimiste parce qu'après plusieurs semaines de blocage, il semblerait que les négociations reprennent en ce moment entre l'Institut Gyptis et la PHM. La PHM qui avait argué de difficultés pratiques. La parcelle en fait qu'elle avait promis à Gyptis est occupée par un bâtiment qu'il faut désamianter et la PHM arguait d'un lourd endettement qui rendait le calendrier difficile à tenir. De manière un peu plus officieuse, il semblait que c'était surtout l'idée du partenariat public-privé qui soit difficile à accepter culturellement. Pourtant, une fois la parcelle accordée, Gyptis ne coûtera théoriquement rien aux hôpitaux de Marseille. Les soutiens du projet attendent beaucoup donc de la réunion de travail annoncée le 9 février prochain. En premier lieu, évidemment, les associations de malades, comme l'explique Christian Côté. C'est le directeur général de l'AFM Téléthon. Il est lui-même parent d'une enfant touchée par l'une de ces maladies. L'atout particulier de ce projet d'institut, c'est de créer un lieu intégré où vont être en interaction des disciplines et des acteurs complémentaires. Dans le domaine des maladies rares, la rareté des maladies entraîne aussi la rareté des expertises. Et donc le fait de rassembler dans le même lieu des chercheurs fondamentalistes qui vont travailler sur les mécanismes, sur la compréhension des maladies, des cliniciens, délivrer les soins pour les malades et les orienter, travailler sur le diagnostic, des personnes qui travaillent sur le développement thérapeutique, un lieu où pourront être aussi réalisés des essais cliniques. On appelle ça la recherche translationnelle, c'est-à-dire favoriser l'enchaînement des étapes. C'est un facteur d'accélération du progrès thérapeutique. Le monde des maladies rares en a particulièrement besoin. D'une part parce qu'il y a un très grand nombre de pathologies. On parle de 7000 maladies rares. Or, sur ce grand nombre de maladies, moins de 5% d'entre elles disposent d'un médicament. Et en bref, la police néerlandaise va prélever l'ADN de plus de 20 000 hommes dans une large enquête de liens de parenté. C'est la plus grande jamais réalisée dans le pays. Le but est de retrouver le tueur d'un petit garçon de 11 ans assassiné en 98 ou des membres de la famille de ce tueur grâce évidemment à l'ADN. Pour la toute première fois, les chercheurs du Centre de recherche en cancérologie de l'Oncopole de Toulouse vont ajouter un anti-inflammatoire dans le traitement contre le mélanome, ce cancer qui touche chaque année 12 000 Français en France et qui connaît un fort taux de récidive. Ces chercheurs ont en effet découvert sa capacité, la capacité de l'anti-inflammatoire à empêcher la progression ou la récidive des cancers de la peau. Et enfin, Antoine Petit, le nouveau président du CNRS, veut que les scientifiques adaptent leur communication à des publics différents, en publiant par exemple des vidéos sur YouTube ou en participant à des actions pédagogiques. C'est ce qu'il a expliqué lors de son audition devant les députés la semaine dernière. Le CNRS devra plus et mieux travailler avec les acteurs de l'industrie et les start-up et développer le plus possible ce qu'on appelle les doubles positions, avec des chercheurs à mi-temps dans des institutions et en entreprise. Il veut aussi et surtout un CNRS fort, je cite, qui soutienne la recherche fondamentale, le socle de tout, mais en étant plus sélectif et plus ambitieux. Deuxième sujet, ce jour, contrairement à ce qu'on pensait, l'apprentissage du langage ne se fait pas grâce à un circuit neuronal spécialisé et spécifique aux humains, comme le pensaient, et sans jamais l'avoir prouvé, beaucoup de chercheurs. Non, l'apprentissage du langage passe essentiellement par deux circuits neuronaux très anciens qui préexistent à l'Homo sapiens, la mémoire dite déclarative et la mémoire procédurale. Cette hypothèse, publiée par le neurologue Michael Ullmann, à la tête du département de neurosciences de l'université Georgetown, a été confirmée par 16 études compilées par une équipe internationale et publiées cette semaine dans la revue PNAS. Il m'en a donné les conclusions. So what we found was exactly what the theory predicts. We're very, very close to it. Ce que nous avons découvert en compilant ces études correspond exactement à ce que notre théorie prédisait. Les adultes qui se servent surtout de la mémoire dite propositionnelle ou déclarative sont ceux qui retiennent le plus de mots le plus vite. Inversement, le fait d'avoir une bonne mémoire procédurale n'était pas corrélé avec un bon apprentissage des mots. C'est cohérent avec ce que nous prédisions. L'apprentissage des mots utilise le circuit de la mémoire déclarative parce que c'est elle qui est sollicitée quand on doit assimiler des informations arbitraires. Un mot, le contour d'un visage, une liste de courses ou, pour les oiseaux par exemple, l'endroit où ils ont fait leur nid. En revanche, la maîtrise de la grammaire repose sur un tout autre modèle. Chez les enfants, ceux qui utilisent bien leur mémoire procédurale, celle qui est sollicitée dans des activités automatiques comme faire du vélo, étaient tous les meilleurs en grammaire. Et cela se confirme chez les adultes qui apprennent une deuxième langue. Quand ils débutent, leur bon niveau de grammaire est corrélé avec la qualité de leur mémoire déclarative. Mais plus ils maîtrisent la langue, plus ceux qui ont une bonne mémoire procédurale sont bons en grammaire. Ce que cette étude montre, c'est donc que l'apprentissage du langage ne se fait pas par un système d'apprentissage spécialisé uniquement dans le langage, mais grâce à des circuits d'usage général et très anciens du point de vue de l'évolution. Mais attention, ça ne veut pas dire que le langage ne dépend pas aussi de circuits spécialisés. Il est par exemple tout à fait probable qu'au sein même des circuits de la mémoire déclarative, présente chez beaucoup d'animaux, il y ait une sous-spécialisation liée au langage propre aux humains. En bref, une très bonne nouvelle, dernière découverte en date dans l'écosystème très riche de l'archipel des Galapagos, une pouponnière naturelle de requins-marteaux, vieille sans doute de plusieurs milliers d'années. Les femelles requins-marteaux viennent mettre bas dans cet habitat naturellement protégé par la mangrove et par les récifs, où les petits requins grandissent à l'abri des prédateurs et se nourrissent sans difficulté. Une découverte encourageante dans la mesure où les requins-marteaux sont sur la liste rouge de l'Union internationale de conservation de la nature et que sa population mondiale a diminué de plus de 90%. Enfin, une erreur humaine serait à l'origine du fiasco d'Ariane 5. La fusée européenne devait mettre en orbite deux satellites de communication qui ne se sont pas séparés au bon endroit et qui n'ont donc pas été mis en orbite correctement. C'est en tout cas ce qu'indique le journal La Tribune. Le calculateur de bord de la fusée aurait été mal programmé. Au lieu de décoller plein est vers l'équateur, la fusée a décollé 20 degrés plus au sud. L'information a été démentie par Ariane Space qui doit rendre les conclusions de son enquête interne fin février. Et enfin, dans notre rubrique Sens improbable, une étude très sérieuse et absolument fascinante répond à cette question cruciale que sans doute vous vous êtes beaucoup posée. Pourquoi est-ce que quand vous marchez avec une tasse de café chaude et délicieuse à la main, en allant au bureau ou en revenant de la machine à café, une fois sur deux, je parle d'expérience, vous le renversez, ce qui a le triple des avantages de vous, bien sûr, de vous tâcher, mais aussi de vous brûler et surtout de devoir aller en chercher un autre. Alors pourquoi? Et pourquoi surtout, même quand vous êtes un peu éméché, vous avez l'impression que ça arrive moins avec du vin, avec du cognac, avec de la bière? Eh bien, il y a une explication scientifique à cela, nous disent aujourd'hui deux professeurs de mathématiques de l'université d'Oxford. Quand un liquide se met à osciller fortement selon une ou plusieurs fréquences, on parle de résonance. Or, pour le café, cette résonance se produit entre 2 et 3 oscillations par seconde. Ça correspond peu ou prou à l'allure moyenne de marche qui est de 2 ou 3 pas par seconde. En clair, notre rythme de marche est très très proche de la fréquence de résonance du café, ce qui fait que le risque de débordement est décuplé. Et pour éviter le renversement, et oui c'est tout l'intérêt de cette étude, c'est de vous faire avancer dans la vie, eh bien il faut que vous teniez votre café le plus à la verticale possible, le bras tendu, et non pas à l'horizontale devant vous, comme vous avez souvent tendance à le faire. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Ursula Kreuber, Le Guin est donc partie rejoindre l'écumène ou tout autre monde lointain, à moins qu'elle ne se soit simplement éteinte à l'âge de 88 ans. Ursula Le Guin, puisqu'il faut toujours un comparatif masculin pour donner la mesure de la portée d'une œuvre, ce qui va faire enrager Jeanne Debat, ce serait donc une sorte de Frank Herbert ou d'Isaac Asimov au féminin. Une grande plume de la SF, en tout cas et quoi qu'il en soit, et de la fantaisie, grande au point que son œuvre déborde ses cadres des genres littéraires. Hein. C'est une œuvre sensible, autant poétique que politique, une plume qui avait la conscience de l'importance des littératures de l'imaginaire et de l'injustice qui leur est faite. Un nom que l'on a longtemps pressenti pour le prix Nobel de littérature sans jamais qu'elle ne l'obtienne. Jeanne Debat, vous voulez réagir à cette petite présentation? On l'a aussi et surtout comparé à Jack Vance pour l'aspect création de monde, d'univers et de société. Et pour ça, elle était absolument extraordinaire. Je ne pense pas qu'il y en ait une aussi précise et aussi dans le message, en fait. Avec Ursula Le Guin, on aborde vraiment la notion d'utopie. Et là, du monde des dépossédés, elle avait parlé d'une utopie ambiguë. En fait, je la trouve pas si ambiguë que ça. Elle est profondément humaine, l'utopie que développe Le Guin. Elle est juste réaliste et pragmatique. Donc, si l'ambiguïté, c'est de considérer l'humanité telle qu'elle est, tant mieux, mais c'était une véritable utopiste. Et Jack Vance était dans cet ordre-là. Alors que Frank Herbert, il ne crée pas d'utopie, du tout. Et Asimov, il s'en tape complètement de l'utopie aussi. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire fonctionner la science, de voir jusqu'où elle va, de faire des blagues nulles, souvent, hein, des calembours. Mais ça n'est pas... Sa portée utopiste, sa portée sociale, Asimov, zéro. Ou presque. Vilain travers en règle générale que de vouloir comparer ou de vouloir donner des référents masculins. De toute façon, on peut s'accorder tous autour de cette table pour dire que, quoi qu'il arrive, l'œuvre d'Ursula Le Guin est une œuvre totalement atypique, à part Jérôme Vincent, qui n'a pas d'équivalent, effectivement. Ouais, et même Jack Vance, c'est un peu excessif dans le sens où vraiment le travail, comme on va le voir, d'Ursula Le Guin est un travail extrêmement particulier qui n'appartient qu'à elle. C'est exactement ça. En venant ici, je me demandais à qui on pourrait vraiment comparer ou associer Ursula Le Guin, et j'ai un petit peu de mal. Parce que je vois bien d'autres auteurs qui travaillent sur des thématiques similaires, comme la société par exemple, ou la famille. J'ai lu un roman de Johann Vinge il y a pas longtemps, qui travaillait sur des thématiques un peu similaires. Mais je vois pas quelqu'un dont l'œuvre soit aussi foisonnante dans les thématiques, aussi précise, aussi réfléchie, hein, en fait, dans toutes les pistes, parce qu'on peut parler colonialisme, on peut parler sexisme, on peut parler racisme, anarchie, utopie. C'est peut-être un peu Banks, de temps en temps, avec la culture. Il y a Ian M. Banks, oui. Il y a une filiation. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas une erreur si des gens comme Stephen King ou Neil Gaiman se refèrent en permanence à Ursula Le Guin. Le Guin, on a le dit gain, le Guin, Jérôme Vincent, suivez un peu. David Meulemans, ce que pensez-vous? Il y a une personne à qui je pourrais la comparer, mais alors c'est délicat parce que c'est aussi un auteur que j'ai traduit, mais qui n'a en fait aucun rapport avec elle et qu'elle n'avait pas lu, puisque la question lui a déjà été posée. C'était William Morris, qui était un auteur victorien, qui pour le coup a un spectre d'écriture, de réflexion, d'engagement politique, sociétal, qui est comparable au sien et qui lui aussi était à l'origine d'un mouvement féministe. Après, quand elle, on lui demande quelles sont ses grandes références, généralement, la première référence qu'elle donne, c'est Darwin, pour à la fois la pureté du raisonnement et une forme de spiritualité athée qui est sous-jacente. Donc il y a Darwin, il y a Virginia Woolf, puis il y a Dickens aussi, de manière assez étonnante, peut-être sur la notion de création de monde, sur l'amplitude, et puis sur l'ambition littéraire. On reviendra sur effectivement l'influence de Virginia Woolf, parce qu'elle en parle, et elle en parle notamment pour expliciter sa place de femme écrivain, on y reviendra tout à l'heure. Avant cela, je l'ai dit à l'instant, son nom a circulé pour le prix Nobel de littérature, ce qui aurait été un précédent dans la littérature de l'imaginaire. Néanmoins, Ursula Le Guin a été primée de nombreuses fois. Elle a reçu 6 prix Hugo, 7 prix Nebula, 21 prix Locus. Et le 19 novembre 2014, elle reçoit le National Book Award, un prix honorifique pour l'ensemble de sa carrière à la National Book Foundation. Et à cette occasion, elle prononce ce discours qui parle beaucoup d'elle, de son œuvre et de son rapport à la littérature. Écoutez. C'est un plaisir d'accepter et de partager ce prix avec tous les écrivains qui ont été exclus de la littérature pendant si longtemps, mes camarades auteurs de fantasy et de science-fiction, les écrivains de l'imaginaire, qui au cours des 50 dernières années ont regardé les grands prix décernés aux soi-disant réalistes. Je pense que des temps obscurs arriveront quand nous serons en manque de voix d'écrivains qui envisagent des alternatives à notre mode de vie actuel, qui voient clair dans notre société sinistrée par la peur et ses technologies obsessionnelles, qui envisagent d'autres façons d'être, des écrivains qui imaginent même de réelles fondations pour l'espoir. Nous aurons besoin d'écrivains qui peuvent se souvenir de la liberté, de poètes, de visionnaires, les réalistes d'une réalité plus large. Maintenant, je pense que nous avons besoin d'écrivains qui connaissent la différence entre la production d'un marché d'articles et la pratique d'un art. Le développement d'un matériau écrit pour convenir à des stratégies de vente destinées à augmenter des profits d'entreprise et des revenus publicitaires, ce n'est pas précisément la même chose que l'édition responsable d'un livre ou son écriture. Merci à ceux qui applaudissent courageusement. Et pourtant, je vois les départements des ventes prendre le contrôle sur la partie éditoriale. Je vois mes propres éditeurs embarqués dans une panique idiote d'ignorance et de cupidité, faire payer un livre numérique à des bibliothèques publiques 6 ou 7 fois plus qu'à un client lambda. Nous venons de voir un affairiste essayer de punir un éditeur pour désobéissance et des écrivains menacés par des fatwas corporatistes. Et je vois beaucoup d'entre nous, les producteurs, qui écrivent les livres, fabriquent les livres, accepter cela, laissant les marchands nous vendre comme du déodorant et nous dire ce qu'il faut publier ou écrire. Il ne s'agit pas que de marchandises. La motivation du profit est souvent en conflit avec les objectifs de l'art. Nous vivons dans le capitalisme, ses pouvoirs semblent incontournables, mais c'était pareil pour le droit divin des rois. Des êtres humains peuvent changer et résister à n'importe quel pouvoir humain. La résistance et le changement commencent souvent dans l'art et très fréquemment dans notre art, l'art des mots. J'ai eu une longue et belle carrière en bonne compagnie. Aujourd'hui, qu'elle touche à sa fin, je ne veux vraiment pas voir la littérature américaine se faire trahir. Nous qui vivons de l'écriture et de l'édition voulons et devrions exiger notre part équitable des recettes. Mais le nom de notre belle récompense, ce n'est pas le profit. Son nom, c'est la liberté. Je vous remercie. Voilà le très beau et engagé discours d'Ursula Le Guin à la remise de son National Book Award. Alors il est beaucoup question évidemment de la marchandisation du marché du livre, mais pas que. Hein, elle parle aussi de l'absence de reconnaissance des auteurs de l'imaginaire. Elle parle aussi de sa position en tant que femme écrivain. Une réaction à ce que vous venez d'entendre les uns les autres, Jeanne Adebat? Eh bien, ça me rappelle une interview de Johanna Russe. Qui parlait justement d'un livre qu'elle avait écrit et elle l'avait proposé à l'éditeur de Le Guin qui lui avait répondu qu'il ne publiait pas de femmes. Voilà. Ça, voilà. Déjà, ça me rappelle ça. Et que les femmes ne vendaient pas en science-fiction. C'était l'éditeur de Le Guin. Le Guin était un de ses plus gros vendeurs. Et cette même femme qui vient de parler du fait qu'il fallait se donner dans l'art, être libre, elle avait effectivement cette chance absolue qu'ils auraient publié sa liste de courses. Et donc elle était parfaitement libre, effectivement, et c'est une chance extraordinaire qu'elle a eue, et que nous, ses lecteurs, avons eue, qu'elle puisse aller jusqu'au bout de son art, jusqu'à Lavinia, qui est un chef-d'œuvre à mon avis, c'était d'ailleurs le sien aussi, jusqu'à Lavinia, jusqu'à la fin. Le Guin a été libre et elle a, du début jusqu'à la fin, elle a prôné la liberté de choix. Et c'est ce qu'on retrouve dans son discours. On peut préciser que Lavinia, c'est l'un de ses derniers, son dernier, hein, son dernier livre, qui est une réécriture de l'Énéide. Pas tout à fait. Lavinia, c'est l'histoire de la femme qui a épousé le prince aîné. Femme dont on a une ligne dans l'Énéide et que Ursula Le Guin a décidé de raconter ce qui est l'arrivée d'aînée du point de vue de Lavinia. Chose qu'on n'a évidemment pas dans une littérature romaine où on se préoccupe essentiellement des hommes. Une réaction, David Meulemans, à ce discours, notamment au tout début du discours, il dit « Mes camarades de SF, de fantasy, les auteurs de l'imaginaire qui depuis 50 ans regardent toutes ces merveilleuses récompenses allées aux auteurs soi-disant réalistes. » Oui, alors Ce qui est intéressant avec Le Guin, c'est que... Le gain, oh là là. S'il vous plaît, David, un peu de tenue. Le gain, c'est quelqu'un qui a toujours été capable, comme les grands auteurs américains, les grandes autrices américaines, de faire l'aller-retour entre des questions très très pratiques, des questions financières, des questions syndicales, cette aspiration morale délirante qu'on peut donner à l'art. Et cet aller-retour, en fait, sur les dernières années, à plusieurs reprises, elle se plaignait pas tant des auteurs réalistes que des auteurs réalistes qui allaient s'inspirer des littératures de l'imaginaire et qui, bien sûr, pour des questions sociales, des questions d'apparence, ne mentionnaient pas. Elle avait en ligne de mire quelqu'un comme Don DeLillo ou... j'ai un petit doute, mais ce type d'auteur qu'elle épargnait assez peu parce que en fait, elle faisait remarquer qu'il suffit qu'ils mentionnent littérature de l'imaginaire pour qu'ils soient entravés dans leur carrière et que leur reconnaissance littéraire disparaît. Mais c'est un thème important chez elle, c'est que Ursula Le Guin, c'est quelqu'un qui a grandi en Californie, qui est très très éloigné des cercles new-yorkais, et c'est un thème dans ses entretiens qui revient très très souvent sur le fait qu'elle ne recherche pas du tout la reconnaissance des new-yorkais. Jérôme Vincent. Oui, elle a évidemment la liberté de ton de quelqu'un qui, pour qui ça a marché tout de suite. C'est-à-dire que dans les interviews, elle explique qu'elle ne donne jamais de date de rendu de ses manuscrits à ses éditeurs. Elle a cette liberté de ton. Dans ce discours, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est une des particularités, à mon avis, d'Ursula Le Guin. C'est qu'il y a toute son œuvre, toute sa carrière littéraire. Mais ça faisait, malheureusement, 40, 50 ans qu'elle écrivait sur différentes thématiques, sur le genre, la problématique, et on le voit très bien dans Le langage de la nuit, excellent livre publié par David, elle se plaint justement du manque de reconnaissance, mais depuis les années 70, des auteurs de science-fiction et de fantasy, donc ça c'est vraiment en filigrane, et effectivement elle peste contre notamment Cormac McCarthy avec La Route ou des choses comme ça, c'est-à-dire quand la littérature mainstream récupère un petit peu l'imaginaire. Quoi. En publiant tout en publiant en littérature blanche. Jeanne Leba. Et alors, le drame, c'est que lorsqu'il récupère la littérature de l'imaginaire, ils la prennent de travers souvent, ils la prennent de façon caricaturale, et il est très agaçant pour un auteur de science-fiction ou un lecteur de science-fiction de voir récupérer des refrains, parce qu'il s'agit de refrains. Je suis désolée, La Route, je l'ai lu 250 fois avant que ce livre paraisse. De Cormac McCarthy, qui est un roman post-apocalyptique. Voilà. L'histoire d'un père et son fils. Je l'ai lu sous des tas de formes, sous des très nombreux avatars. Le fait est que c'est un bon livre, un grand livre, très bien écrit. Simplement, il n'assume pas la filiation. Et comme il ne l'assume pas, il ne la démontre pas, et le lecteur a l'impression, le lecteur lambda qui n'a pas l'habitude de la science-fiction, a l'impression de tomber sur un ovni qui découvre, la pierre philosophale. Or, c'est extrêmement agaçant, ça, ce fait précis, de voir porter au nu quelque chose qui existe depuis 40 ans. Vous écrivez, Jeanne Debat, « La main gauche de la nuit est une œuvre fondamentale dans ma carrière. Ce que j'écris dans mes œuvres défend ce que j'ai appris avec Le Guin sur la question du genre. C'est un pur roman de sociologie qui imagine une société se moquant de savoir qui est mâle et qui est femelle. Elle a eu l'intelligence de ne pas proposer un renversement des pouvoirs, mais le partage de ce dernier entre hommes et femmes. Ce roman qui évoque l'égalité de tous est toujours d'actualité. » Eh bien, le féminisme est un humanisme, un égalitarisme. Le Guin l'a démontré dès les années 60. Il se trouve qu'entre-temps, on a eu d'autres auteurs qui ont proposé simplement le renversement des pouvoirs. Allez, qu'est-ce qui se passerait si c'était le matriarcat au lieu du patriarcat ? Ça ne sert qu'à démontrer que le patriarcat est une monstruosité. Ça ne sert pas à démontrer qu'on pourrait vivre autre chose. C'est pour ça que Le Guin est révolutionnaire. Ask a shaman, ask a priest. I'm learning that I know the least. Alpha female, be it by faith, be it by chance. We'll make it divine happenstance. I'll Alpha Female des Wild Beasts, nous parlons d'Ursula Le Guin, de sa littérature engagée, féministe entre autres, tout au long de cette heure. Ursula Le Guin qui est disparue le 22 janvier dernier à l'âge de 88 ans et qui laisse une littérature et une œuvre prolifique. On va en reparler dans un instant, nous en parlons avec Jeanne Deba qui est auteur, publiée récemment Humaine, Trop Humaine chez ActuSF, ainsi que directrice artistique du festival Les Utopiales, avec Jérôme Vincent, directeur des éditions ActuSF, et David Meulemans, fondateur et directeur des éditions Les Forges de Vulcain. Alors je vous propose de revenir sur la carrière d'Ursula Le Guin en quelques mots. Née en octobre 1929 à Berkeley en Californie, peut-être faut-il dire, David Meulemans, un mot sur sa famille qui a son importance dans le rapport qu'elle va avoir à la création de monde, à la création d'univers, à la création de société, puisque ses parents, son père et sa mère font partie des personnes qui ont débroussaillé entre guillemets l'anthropologie aux États-Unis au début du XXe siècle. Oui, officiellement, son père est le premier étudiant en anthropologie, le premier diplômé d'anthropologie américain. C'est un homme qui est né en 1876, qui est beaucoup plus âgé que sa mère parce que son père et sa mère étaient tous les deux des veufs quand ils se sont rencontrés. Et un fort décalage d'âge entre eux. Son père a déménagé au début du XXe siècle, après ses études à Columbia et avoir enseigné à Columbia, en Californie, où il a rencontré la mère d'Ursula. Et en fait, les deux étaient spécialistes des populations indiennes américaines qu'on appelle les peuples premiers maintenant, voilà. Des Native Americans, mais à l'époque, effectivement, on disait indiens. Et ils ont tous les deux travaillé sur ces auteurs, sachant que le père d'Ursula Le Guin a longuement travaillé sur un des derniers représentants d'une tribu qui a disparu dans les années 20. Et quand son père on lui a proposé des années après de raconter la vie de cet Indien, il a refusé de le faire parce que c'était sa propre vie, puisqu'ils ont vécu 30 ans ensemble. Et c'est la mère d'Ursula qui a écrit ce livre. En fait, la mère d'Ursula, c'est très particulier parce que c'est un modèle pour elle aussi, puisque la mère d'Ursula a toujours voulu écrire. Et elle était d'une génération où elle a attendu que ses enfants aient quitté le domicile familial pour se mettre à écrire. Et sa mère a eu une propre carrière littéraire, mais qu'elle a commencé au-delà de l'âge de 50 ans. Donc tous les deux étaient des anthropologues, étaient à Berkeley. Elle a grandi à Berkeley où, par exemple, au lycée, elle était dans le même lycée et dans la même classe à un moment que Philip K. Dick. Ils ne se sont jamais rencontrés. De leur vivant, ils ne se sont jamais rencontrés. Ils ont eu une correspondance très importante. Elle l'admirait beaucoup pour certaines raisons. Elle n'aimait pas son côté un peu machiste, voilà. Mm-hmm. Mais elle admirait, voilà. Il faut voir Jeanne Deba qui prend des airs comme ça un peu outré. Non, pas outré. Elle admirait parce que non, elle disait, il est machiste, mais ses personnages sont souvent des sortes de vaincus et ne sont pas ces personnages héroïques de l'âge d'or de la science-fiction des années 50. Donc, dès qu'elle est enfant, elle a envie d'écrire. À l'âge de 6 ans, elle décide qu'elle écrirait, pas qu'elle serait écrivaine, qu'elle écrirait. Elle écrit, elle envoie sa première nouvelle à l'âge de 11 ans. Elle reçoit un petit mot gentil, mais il n'y a pas de publication derrière. Et après, elle commence des études de lettres. De littérature française. De littérature française. Mm-hmm. C'est une spécialiste de la poésie de la Renaissance. Et de Ronsard particulièrement. Voilà. Mm-hmm. La mort chez Ronsard, c'est sa thèse de doctorat, tout à fait. Voilà. Mm. Alors en fait, elle commence à ce moment-là à écrire et son père va l'aider. Puisque lui, quand elle était enfant, c'était lui qui avait envoyé aux éditeurs sa première nouvelle. Et donc, il va l'aider à envoyer les textes comme ça, parce qu'il avait, en anthropologue, trouvé ça complètement fascinant, ce milieu de l'édition, où on ne juge pas les textes, mais il faut réussir à séduire les éditeurs petit à petit, en leur envoyant régulièrement des textes, en montrant qu'on est passionné, qu'on veut faire ça. Et donc, son père l'a un peu épaulé là-dessus. Elle, pendant ce temps-là, donc, elle fait ses études de lettres. Elle est à Columbia, elle est titulaire d'une bourse Fulbright, vient en France, rencontre son mari, Charles Le Guin, américain d'origine bretonne. Voilà. Mmh. Elle laisse tomber sa thèse et ils reviennent aux États-Unis. Mmh. Et pendant quelques années, elle va travailler comme secrétaire. Et un mot peut-être, parce que on la renvoie et on l'a beaucoup renvoyé au cours de sa carrière, précisément à sa famille et à ses parents pour ce qui est de l'aspect anthropologique de son œuvre. Et elle déclare, et c'est intéressant parce qu'il y a une sorte de rapport un peu paradoxal là-dedans. Elle déclare, je crois que mon intérêt pour les sociétés fragiles, les cultures les plus diverses et ceux qui vont vivre chez des peuples étrangers pour apprendre quelque chose d'eux est d'ordre plus général. Il tient peut-être à une affinité de tempérament ou d'intérêt avec mon père qui était anthropologue, il étudiait des sociétés tandis que j'en invente. C'est assez intéressant de marquer cette rupture-là. Elle continue. J'ai lu en amateur une foule d'ouvrages d'anthropologie et d'ethnologie, et on peut retrouver ici ou là dans mes œuvres des traces de Lévi-Strauss, de Shapir, de Gertz ou d'autres encore. Jérôme Vincent, il y a quand même une petite rupture avec le cadre familial. Disons qu'on fait une facilité, comme d'habitude, quand on s'intéresse à quelqu'un comme Ursula Le Guin. C'est-à-dire que les parents sont anthropologues, hop, c'est facile. Elle crée des mondes et elle invente des sociétés. Donc on fait tout de suite un lien, mais un lien qui n'est pas faux, mais c'est quand même passé sous silence la grande érudition d'Ursula Le Guin, les années où elle va potasser. Avant d'être publiée, elle va écrire elle-même plusieurs romans et des nouvelles avant de se décider à envoyer. Donc on fait des facilités et c'est un petit peu dommage dans sa biographie. Jeanne Debat. Surtout que papa a été anthropologue, très bien. Papa et maman. Et maman aussi, mais je pense plutôt à l'aspect littérant de sa mère qui me semble plus... Si on commence à faire des raccourcis faciles... Mais non, alors on va pas commencer. On va s'interrompre. Il y a un truc qu'elle dit, c'est que finalement son père l'a pas tant influencé que ça. Elle dit c'est un environnement. C'est le fait d'avoir grandi les étés dans le nord de la Californie, dans un ranch acheté par ses parents, où elle vivait avec des Indiens. Il y avait des Indiens qui vivaient là. C'est toujours Indien parce qu'à l'époque c'était comme ça qu'elle en parlait. Mais en fait, en termes intellectuels, dit qu'une de ses plus grandes lectures, c'est une lecture offerte par sa mère, c'est la lecture de Virginia Woolf, avec notamment Une chambre à soi. Ça, c'est Jeanne Debat sur Virginia Woolf. C'est pas parce qu'on est tombé dans la marmite qu'on devient Obélix après. Je veux dire que dans son cas, la marmite, elle l'a absorbée et elle en a fait ses propres histoires, son propre travail. Effectivement, c'est pas le travail d'un anthropologue que d'inventer une société. En revanche, si on est un vrai auteur de science-fiction, on peut s'appuyer sur la science anthropologique pour créer d'autres mondes. C'est ce que font tous les auteurs de science-fiction, en fait. Et c'est peut-être une des définitions possibles de la science-fiction, c'est s'emparer d'une science afin d'en faire de la fiction, bizarrement. Donc, de ce côté-là, Ursula Le Guin, elle a été parfaite d'un bout à l'autre, y compris dans Terre-Mère, qui pourtant n'est pas un ouvrage de science-fiction, qui est a priori plutôt de la fantasy, qui est l'un de ces deux grands cycles avec l'autre cycle dont on va parler, le cycle d'Écumène dont on va parler dans un instant. Un mot peut-être aussi, j'aime bien cette citation de Laurent Genefort à propos d'Ursula Le Guin, qui dit c'est l'un des écrivains qui a permis de faire comprendre que la SF, ça n'est pas que des sciences dures ou de la fantasy déguisée, c'est aussi une spéculation sur les sciences humaines. Les Dépossédés reste un livre phare sur l'utopie et un des plus grands livres de SF tout court. Le nom du monde et forêt est également majeur dans le genre du space opéra anthropologique. C'est intéressant de se dire qu'effectivement, quand on pense science-fiction, on pense science, on pense art science, on pense physique, cosmologie, astrophysique. Et ben, chez Ursula Le Guin, science, c'est sciences sociales, anthropologie, ethnologie, Jérôme Vincent. Alors ça a toujours un petit peu été, c'est-à-dire que c'est peut-être une fausse image qu'on a de la science-fiction parce qu'il y a le mot science et on se réfère tout de suite à de la hard science ou effectivement des sciences techniques pures, alors que un Philip K. Dick ou un Robert Silverberg, par exemple, travaillent déjà sur les sciences sociales, très clairement. C'est-à-dire que la science chez Silverberg est pas très présente, elle est pas très rigoureuse. Non, et en fait, elle est pas très rigoureuse. Son propos dans les monades urbaines, par exemple, c'est pas la science, c'est véritablement l'humain, c'est au cœur. Et complètement, et la sociologie. Mais la base de la science-fiction, c'est les sciences. Donc il y a les sciences dures et il y a les sciences humaines. Dans toute la science-fiction, même américaine, même campbellienne, on va retrouver des aspects de sciences humaines très forts que Le Guin illustre totalement, mais toute la nouvelle vague anglaise va travailler là-dessus. Et surtout, la science-fiction française des années 60, qui alors là, elle, va y plonger des deux pieds, des deux mains, et aura beaucoup de mal à en sortir, de mon point de vue. Revenons à Ursula Le Guin et à sa carrière. Peut-être, on va évidemment arriver à l'Écumène et à Terre-Mère. Un dernier mot pour dire quelque chose d'assez amusant, c'est qu'elle est lectrice elle-même de science-fiction très tôt, mais elle s'arrête également très tôt. Et elle dit « J'ai cessé de lire de la SF vers la fin des années 40, elle avait un peu plus d'une dizaine d'années, on n'y parlait que de matériel et de soldats. De toute façon, j'étais trop occupé à lire Tolstoï, entre autres. Pendant une quinzaine d'années, je n'en ai pratiquement pas lu, ce qui correspond presque exactement à la période que l'on appelle maintenant l'âge d'or de la science-fiction. » Voilà, Ursula Le Guin passe donc complètement à côté de l'âge d'or des années 50. Elle va reprendre sa lecture de la SF au début des années 60. D'un point de vue dialectique, ça l'aide d'une certaine façon, parce que dans les années 60, après cet âge d'or de SF avec des robots, des soldats, des choses comme ça, ça. Il y a une forme de saturation qui fait que les éditeurs et les éditrices de l'époque cherchent quelque chose d'original. Et c'est ça qui va faire que Ursula Le Guin va percer à ce moment-là, parce qu'elle apporte une voix vraiment originale dans la SF de l'époque. Après, sur son usage de l'anthropologie, en fait, de façon générale, elle a une approche scientifique. C'est-à-dire que, pour elle, le roman est un lieu d'expérimentation. C'est important parce que quand on parle d'elle comme d'une romancière féministe, elle est féministe, mais elle a toujours insisté sur la distinction entre la signification d'une œuvre et le message d'une œuvre. Ce n'est pas une romancière à message, elle estime que ses œuvres ont une signification. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle ne possède pas la signification des œuvres avant de les écrire, et Les Dépossédés que vous citiez, ou La main gauche de la nuit. Elle part avec une idée d'expérimentation, d'expérience de pensée, et elle ne sait pas exactement ce qu'elle va y trouver. Elle sait qu'elle a les personnages, mais sinon, comment ils vont interagir, ce que ça va nous révéler, voilà. À la fin, ces romans ont toujours cette signification possible féministe, mais ça la distingue vraiment des romanciers ou romancières à message qui sont là plus dans la démonstration, comme par exemple une série télé comme Black Mirror est plus dans la démonstration. Ursula Le Guin est plus dans l'expérience, dans l'illustration. Et on vous renvoie à l'émission que nous avions consacrée précisément à cette série d'anticipation britannique Black Mirror. On vous met le lien sur Twitter, Jeanne Debat. Alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire David. Effectivement, le féminisme n'est pas central dans l'œuvre de Le Guin, il est de fait, il y est là. Mais elle ne l'a pas revendiqué en tant que telle, même si elle a utilisé le mot plusieurs fois. Ça n'est pas une autrice féministe. C'est une autrice qui construit des mondes dans lesquels, de temps en temps, le féminisme s'exprime. Comme de temps en temps, l'anarchie s'exprime. Comme de temps en temps, aussi, on voit les conséquences de la colonisation et ses drames. Donc, c'est effectivement pas un écrivain qu'on pourrait, comme on a pu me le reprocher, réduire au féminisme. Cela étant, en tant qu'autrice, moi, ça a été un making out, quoi. On parlait tout à l'heure, vous allez voir, j'ai vraiment bien fait mes devoirs, j'ai un nombre de citations long comme le bras, j'en ai encore à peu près 3 volumes à vous soumettre pendant le quart d'heure qui reste. Plus sérieusement, on parlait de Virginia Woolf tout à l'heure, elle disait quelque chose d'intéressant, David Meulemans, vous parliez de Une chambre à soi, elle dit que elle a lu dans les années 50, sa mère lui a offert Une chambre à soi et Trois Guinées, et elle dit ceci: dans les années 50, Une chambre à soi était une lecture difficile, les hommes définissaient les règles de l'écriture et je n'ai jamais remis cela en question. Les femmes qui le faisaient étaient trop révolutionnaires pour que j'en entende parler. Je me suis donc coulé dans le moule masculin de l'écriture. J'ai écrit comme un homme, n'ai présenté qu'un point de vue masculin. Tous mes premiers romans sont situés dans un monde d'hommes. Et puis elle dit qu'elle va petit à petit s'ouvrir et qu'il va lui falloir du temps encore avant de réussir à prendre la plume à la première personne du singulier, du féminin singulier ou du singulier féminin. Et elle dit que ce changement se produit en 1978 dans L'œil du héron, qui fait partie du cycle de l'écumène, une réaction à cette difficulté de prendre la plume à la première personne du singulier féminin. Alors là, il faudrait voir que elle est sortie en France en 71, enfin je pense au dépôt, non c'est La main gauche de la nuit qui sort en France en 71. Personnellement, à ce moment-là, j'ai 6 ans, donc en tant que lectrice, je l'ai vue arriver 15 ans plus tard donc. Lorsqu'elle sort La main gauche de la nuit, dans ma lecture de 15 ans plus tard, je fais un contresens qui est que pour moi, étant donné qu'il y a ni mâle ni femelle, je ne vois pas le point de vue masculin. En revanche, je le vois dans Les Dépossédés avec le professeur Chevec, qui est un homme qui va dans des mondes d'hommes, effectivement. Et lorsqu'on arrive à la fin de la carrière, le dernier roman de Le Guin, lorsqu'on arrive à Lavinia, je pense que ce jeu, c'est peut-être la raison pour laquelle elle estime que c'est son meilleur roman. Parce que là, elle a fait œuvre de femme. Jérôme Vincent. On parlait justement de ses influences littéraires et de ses lectures. Elle revient là-dessus en disant que jeune, notamment, elle lisait beaucoup, c'était l'époque des Pulps, avec une science-fiction parfois un petit peu archétypale. Et elle se plaint déjà de la place des femmes et par rapport aux hommes, qui en gros ne sont là que pour être des faire-valoir. Donc elle a déjà très tôt une réflexion là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant dans toute sa carrière, c'est qu'il y a une véritable évolution. C'est-à-dire que toute la période où elle écrit pour elle, ses romans, avant de les publier, elle le présente presque comme un exercice en disant, bah, à un moment, il faut partager parce que sinon c'est stérile. Et donc, il m'a fallu tout ce temps-là pour maturer et évoluer. On a tendance, quand on parle des auteurs qui ont une carrière aussi longue, à les résumer parfois à des idées ou à des archétypes ou à des choses. Alors qu'ils sont en permanence en évolution. Ils peuvent avoir des idées à 20 ans et puis changer d'idée à 40 ans et c'est tout à fait humain. Et Ursula Le Guin, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une vraie progression au fur et à mesure de sa vie d'écrivaine. Et pourtant, on a tout dans le monde de Rocanon. Oui, bien sûr, qui n'empêche rien. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons d'Ursula Le Guin dans les 10 petites minutes qui nous restent avant la fin de cette émission, toujours en compagnie de Jeanne Debat, Jérôme Vincent et David Meulemans. Peut-être un mot sur les deux grands cycles qui constituent son œuvre, le cycle de l'écumène et le cycle de Terre-Mère, alors qui sont, on dit deux grands cycles, mais qui n'en sont pas vraiment. David Meulemans, l'écumène, ce sont des romans épars, des nouvelles, beaucoup aussi, qui viennent compléter ces romans, et pourtant pas de fil chronologique assumé, des personnages récurrents de loin en loin, mais aussi des paradoxes, des contradictions. C'est une sorte de monde foisonnant qu'elle complète pièce par pièce. C'est une facilité éditoriale, en fait, auquel les auteurs contribuent parfois, après coup, d'essayer de constituer un peu des blocs. Alors, elle va moins loin que Kazimov, qui avait tenté, lui, de créer une continuité qui est un peu brinque-ballante. Pour elle, c'est plutôt un spectre. Le monde de Terre-Mère, pour le coup, est plus cohérent, mais l'écumène, c'est très, très épars, puisque c'est des textes qui sont répartis sur plus d'une vingtaine d'années. Et je pense d'ailleurs que la plupart des lecteurs ne le lisent jamais comme un cycle. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas lire du premier au dernier volume, mais vont lire. Et puis, ils ont été réorganisés chronologiquement. Et puis, parfois, ils n'ont aucune forme de lien chronologique. Simplement, on devine qu'on est dans un monde qui est le monde de l'humanité, mais dans un futur très lointain. Oui, puisque la planète Terre existe. Hein, elle est... Voilà. Et où la... Et c'est le côté darwinien, peut-être, de Le Guin. C'est que l'humanité, en partant à la conquête du cosmos, s'est séparée. Et il y a des évolutions biologiques et des évolutions sociétales. C'est ça, l'intérêt, c'est de rappeler cette notion de variation. C'est-à-dire que la variation permet l'évolution. Ça permet, en fait, de rétablir cette notion d'expérience de pensée. C'est-à-dire de bien rappeler qu'on est dans un monde qui n'est jamais complètement différent d'une autre, qui est peut-être notre futur possible, voilà. Finalement, c'est une œuvre de science-fiction classique de dire ça, c'est-à-dire de dire que c'est notre potentiel. Ce qu'elle aimait dans la littérature de science-fiction, enfin, il y a plein de choses qu'elle aimait dedans, mais elle disait que c'était intéressant, c'est que c'était une littérature du possible, de rétablir la notion de possible, mais le possible comme miroir pour tester des idées politiques, des questions morales, toutes sortes de questions comme ça. Mais c'est quand même assez loin de ce qu'on peut appeler un cycle, comme on en trouve chez certains auteurs de SF classiques. Jeanne Debat. Je voudrais revenir sur un point qui est la notion d'œcumène, qui est très importante dans le premier cycle, puisque c'est son nom, mais il a un sens très particulier, c'est l'habitat humain. On a défini cette notion très tôt, dès la Grèce antique. L'ensemble des terres anthropisées. Voilà, où l'homme qui est considéré comme un homme, ce qui n'est pas tout à fait tous les hommes, existe. Et ce qui signifie, pendant la Grèce antique, pas grand monde en fait. Ça va des colonnes d'Hercule aux colonnes d'Alexandre. Ça exclut beaucoup de monde. Ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais revenir. C'est exactement, à mon avis, le sens du travail d'Ursula Le Guin. C'est qu'elle veut rendre compte de l'humanité, telle qu'elle se voit. Alors ensuite, le cycle, la manie, entre guillemets, des écrivains de science-fiction ou de fantaisie, de travailler sur un monde qu'ils construisent peu à peu, je peux la comprendre, puisque c'est ce que vous faites, c'est ce que je fais. Ça n'est pas seulement parce que c'est facile ou que il y a un concept éditorial derrière, en général, justement pas. À moins de faire une série stupide, bêtement, allez, les aventures de machin pendant 250 volumes. Du petit sorcier à l'école des sorciers, voilà, par exemple. Voilà, mais c'est très bien, hein, le petit sorcier. J'adore le petit sorcier. Le gars, mais pas tellement. Mais, elle a lu J.K. Rowling, elle était pas fan. Elle était d'une génération un peu intransigeante. Donc, pour faire ça, en fait, il y a une question de défi, d'aller jusqu'au bout de tout ce qu'on a voulu dire en créant cet univers-là. Alors il y a la volonté du démiurge aussi, unifier son monde. Il y a énormément de choses qui jouent dans la construction d'un cycle, et je pense qu'elles ont toutes joué pour Le Guin, mais toutes. Jérôme Vincent. Il y a de très belles lignes d'Ursula Le Guin sur l'autre, en fait. Et elle le rattache au sexisme et à l'exclusion des femmes. Et il y a tout un travail sur l'autre où elle dit, en gros, quand on ne se reconnaît pas dans l'autre, on finit par couper les liens et donc dénier son humanité à l'autre. Et beaucoup de sa science-fiction est là-dedans. Et elle le rattache aussi sur la place des femmes dans la littérature et en science-fiction quand elle arrive au milieu des années 60-70, en disant que finalement l'autre, en étant totalement incompris, on peut lui faire ce qu'on veut, quoi. Et puis on peut tuer et massacrer, et c'est pas un souci, et c'est vraiment une réconciliation permanente chez Le Guin. Lire Les Dépossédés, par exemple, sur cette séparation de deux sociétés en deux parts, une part devenue très capitalisto-centrée et l'autre part très anarchique, qui est une planète sur laquelle on a relégué les gens qui ne voulaient plus faire partie du système. On voit là aussi que dans ses écrits, elle est très en avance politiquement, en tout cas elle est très proche d'une nouvelle gauche radicale américaine. La question du genre, par exemple dans La main gauche de la nuit, on est très tôt par rapport à l'émergence et à la publicité des études de genre de David Meulemans. Oui, mais alors ce que vous dites, ça a tout à fait dans le sens du discours qu'elle a prononcé et qu'on a entendu tout à l'heure, cette idée que finalement par l'art, elle a une forme de préscience des combats qui sont à venir. Parce que elle-même, par rapport aux féministes, disait qu'elle vient après une vague féministe, qu'elle ne s'est pas définie comme féministe dans cette vague, et que finalement, elle a cette idée de gender, avec une approche très intéressante dans La main gauche de la nuit, avant que ça devienne une vraie thématique. Et elle l'a pas par des connaissances théoriques, mais elle l'a par une idée d'écrivain, d'écrivaine, d'avoir une idée. Tout à l'heure, vous parliez des dépossédés. Les dépossédés, c'est lié au fait qu'à un moment, elle s'est rendue compte que, d'après elle, il n'y avait aucune grande utopie ou contre-utopie, on ne dit pas vraiment dystopie à l'époque, anarchiste. À l'époque, la plupart des contre-utopies sont marxistes, en fait. Et c'était sa perception, c'est-à-dire, elle disait « je vais le faire ». Alors après, je ne sais pas si elle est vraiment la première à le faire. Mais je sais que moi, alors pour tout dire, moi, c'est le premier texte de Le Guin que j'ai lu, et ça a été une source d'ouverture, de connaissances morales et politiques, où en fait, elle a démontré que certains types de sociétés étaient possibles, et on était très très loin, parce que finalement, pour ce qui est du marxisme, le marxisme, c'est soit des écrits théoriques, soit dans la fiction, souvent, le marxisme, c'est des sociétés totalitaires qui écrasent des individus. Là, on a une société anarchiste potentiellement heureuse, même si c'est pas, elle n'est pas en train de dérouler un argumentaire, parce qu'elle montre aussi les difficultés et les problèmes de ce type de société. Jeanne Debat. En fait, là, Le Guin, elle fait ce que Marx n'a pas fait. Elle démontre le troisième stade ultime du communisme. Et de la critique de Marx. Quand Marx décrit comment doit être le communisme et comment il va se développer effectivement dans plus les ou moins, dépossédés, hein. Oui, dans les dépossédés. Quand Marx décrit le communisme et démonte le capital, il dit que le dernier stade, ce sera l'utopie où nous serons enfin dans la société sans classe à égalité. Voilà. Or, là, il ne l'a jamais fait, il est toujours resté très vague, Le Guin l'a fait. Et elle a démontré que c'était potentiellement réalisable. Jean-Bazin. Et en même temps, il y a pas vraiment de manichéisme, en tout cas. Il y a quelque chose de fort. Moi, je pense au Didaka, notamment, donc qui est un roman plutôt tardif, qui est un roman plutôt des années 2000, où on a la confrontation d'une tension sociale entre un gouvernement qui veut imposer des règles et une population qui se réfère plutôt à ses traditions et à sa manière de vivre. Ce qui veut dire que chez elle, il n'y a pas de bon et de méchant. C'est pas le peuple forcément gentil et qui a forcément raison, ou les gouvernements qui ont forcément tort. Évidemment, avec le Didaka, elle pense à la Chine avec le grand bond en avant, et évidemment, il y a un miroir par rapport à ça. Mais pour le coup, c'est vraiment peut-être l'autrice des tensions sociales, quoi, dans une société, et pas simplement l'expérimentation. De toute façon, Les Dépossédés n'est pas une critique du capitalisme. On aurait tort d'y lire dans l'autre monde un calque des États-Unis. C'est pas du tout ça, en fait. Donc, elle est plutôt vraiment dans comment est-ce que cette utopie que je suis en train d'inventer sur cette lune pourrait-elle fonctionner? Je m'aperçois qu'il y a un moment où elle ne va plus fonctionner parce qu'elle va se refermer sur elle-même et que cette fermeture va porter sa mort. Et donc elle fait sortir quelqu'un. Mmh. Voilà. Et on voit, et on retrouve ce que disait David Melmont, c'est qu'effectivement, à mon sens très juste, l'expérience de pensée de ces livres comme une expérience scientifique, comme une expérience anthropologique, de développer des espèces de tissus, de réseaux, d'articulations sociales, et de les voir vivre à l'œuvre à l'intérieur de ces romans. Oui, mais ça va dans le sens de ce que disait Jérôme, c'est qu'elle n'arrive pas avec une idée précise, donc ça la distingue vraiment des utopies, des contre-utopies qu'on a pu construire avant. C'est-à-dire que c'est une vraie romancière, donc il y a une sorte de justesse dans la description des relations humaines, dans la description du quotidien, qui fait que finalement elle va donner de la chair à ce monde et donc va rendre cette illusion moins illusoire. Peut-être ça devient une forme de paysage du futur qui est envisageable. Voilà, il y a ce type de choses. Après, peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore dit là-dessus, c'est que dans tout ce texte, très rapidement. C'était une romancière, mais c'était une très très grande styliste. Mmh. Et dans chacun de ses textes, la forme reflète toujours le fond. Alors, c'est vraiment Termer qui réfléchit le plus là-dessus, mais on retrouve ça aussi dans les Dépossédés. Oui, puisque dans Termer, le langage de la création, c'est le vrai nom des choses qui permet d'avoir des pouvoirs sur la réalité. En un mot, pour conclure les uns et les autres, je vais vous demander évidemment la question impossible. Si vous aviez à conseiller à nos auditeurs un des romans, une nouvelle, un recueil d'Ursula Le Guin pour commencer, pour continuer, ou celui qui vous est le plus cher simplement, lequel serait-il, Jeanne Debat ? En ces temps déraisonnables, Les Dépossédés. Les Dépossédés, pour quelle raison, en deux mots ? Parce qu'il est temps que les peuples se rendent compte de ce qui leur tombe sur la tête, et que là, c'est même plus de la science-fiction, c'est vraiment de la spéculative fiction. David Melmans. On m'a coupé l'herbe sous le pied. Donc, ah ben non, mais il faut changer, il faut trouver un autre. Non, la main gauche de la nuit. Alors là, pour. Eh ben c'est Jérôme Vincent qui va être dans la panade. Non, la main gauche de la nuit, juste parce que pour montrer que l'humanité peut être complètement différente. Et moi, Jérôme, c'est Le Nom du Monde et Forêt. Ah bah c'était le mien, c'est moi qui suis à la panade. Pourquoi Le Nom du Monde et Forêt? Parce que justement, c'est donc l'histoire d'une colonisation, et en tout cas, mais pour arriver à la paix, il y a plusieurs guerres, et donc en fait c'est pas du tout simpliste. Les massacres continuent malgré les accords et malgré ce qui a été établi, et je trouve que c'est très juste par rapport à ce qu'on peut voir dans le monde actuel. Bon, alors si vous voulez, vous pourrez aller lire de ma part La Vallée de l'Éternel Retour, qui est l'un également de mes favoris, que je n'ai pas lu depuis 25 ans, donc je ne voudrais pas de raison, juste allez, faites-moi confiance un peu, nom de Dieu. Allez, merci beaucoup à tous les trois. Merci Jérôme Vincent, on peut retrouver chez Helios l'effet Tchourten d'Ursula Le Guin, trois nouvelles dans le cycle de Le Monde de l'Écume. Merci David Melmans. Pour vous, on peut retrouver Le Langage de la Nuit, qui est le premier recueil d'essais d'Ursula Le Guin que vous avez publié aux Forges de Vulcain. Et puis Jeanne Debat, Humaine, Trop Humaine, chez Actu SF. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Antoine Beauchamp, Nomina Maguet de Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Céline Lausanne, Sarah Hugement, Elisabeth Miro à la réalisation, Claire Levasseur à la technique.